J'aimerais mon adresse pour 1000 euros, n'a même pas besoin d'un calibre dans la boca. Les frères, je suis juste parti depuis 10 minutes, mes heures récifs comme quand ça tire dans l'avocat. Tard le soir, ça pleure les défenses sous vodka. Si ça s'endort bien, moi c'est pas trop vodka. 16 ans, les pieds sur terre, on faisait pas trop notre âge. T'es forcé d'appliquer quand y a pas trop d'occasion. Je fais des trous de boulettes à 900 euros. Quand il m'arrive du malheur, je les sens heureux. J'espère que tu me pardonneras, frère, moi je t'en veux plus. À 16h, ça tire devant le centre aéré. J'ai des histoires avec lui, tu lui parles, j'en ai rien, m'appelle pas la famille. J'ai commencé la bibi, j'avais pas grand chose, mais c'était pas la famine. Tente rien si chez où ta mère habite. À la main dans le même plat comme en Afrique. Tu rentres à la baraque, la daronne te questionne, mais au fond elle sait très bien comment t'as ce fric. Moi j'ai gobelet dans la même main. Non, j'suis pas sûr d'être un mec bien. Refrais, j'vois plus les choses pareilles. Y'a des décès qui m'ont éteint. Les yeux vers l'horizon, j'vois la fin. Sourire, quête plat poussé, j'vois la fin. Pour être noir et ça va dealer les types en mission, les enfants sont faits car les braqueurs en Célio. Les darons fatigués, les larmes à la maison, les galères de Zéo. Non, ça se lève pas pour être noir et ça va dealer les. Je refusais de bosser dans le four, donc j'ai jamais grimacé devant la sous-marque. Je m'approprie pas la douleur d'un décès pour attirer l'attention sur moi. J'ai dit merde à Dounia. J'ai tourné le dos au vent, je me suis senti léger comme un vent. Torrent de larmes, érosion sur cœur de pierre. Je pratique pas le bluff, j'ai rien à miser. C'est normal, j'ai pas peur de perdre. Écoute un peu mais deviens pas fan. Je voulais des palmiers, j'ai des platanes. Les yeux dans le vide après des mélanges. Il vient me reprocher de regarder sa femme. Être heureux c'est addictif, je suis pas dépendant. Le monde entier et moi on se déteste. Je suis inquiet pour mes descendants. Les anciens qui faisaient les premiers postes aujourd'hui font l'amour ascendant. Si j'avais dit je t'aime dans les yeux à mon père et m'aurait dit que je faisais semblant. Les yeux vers l'horizon, je vois la fin. Sourire quête plat poussé, je vois la fin. Le. Non ça se lève pas pour être noir et ça va dit le. Les types en mission, les enfants sont faits car les braqueurs en Célio. Les darons fatigués, les larmes à la maison, les galères.